Sarah, Sarah, ça vaut rien de se torturer comme ça. Sarah, Sarah, j'y peux rien, j'étais pas vraiment moi. Oui, c'est vrai, je lui ai dit, j'aime ton corps, baby, viens faire un tour avec moi. On lancera la polka, mais j'avais tellement bu que la fille dans mes bras serait peut-être toi, que je ne l'aurais pas vue. Sarah, Sarah, ça vaut rien de se torturer comme ça. Sarah, tu sais, c'est à cause de toi. Car si j'ai bu tout mon sou, une fois de plus, c'est que tes grands yeux doux ne me regardent plus. Moi j'aurais tout donné, mes rêves et ma fierté, pour que ton corps de bois s'embrase sous mes doigts. Sarah, Sarah, ça vaut rien de se torturer comme ça. Sarah, Sarah, pardonne-moi, mais tu ne laisses pas d'espoir au cri de ma guitare. Si je suis seul ce soir, j'irai au marché bar et je boirai tout mon sou et même plus encore, et je donnerai mon corps au dernier des cajots. Sarah, Sarah, ça vaut rien de se torturer comme ça. Sarah, Sarah, j'ai besoin de tes bras. Sarah, Sarah, ça vaut rien de se torturer comme ça. Sarah, Sarah, je suis rond et j'y crois. Et mon cœur me dit de revenir sur mes pas, mais ce maudit esprit me retient par le bras. Combien de temps durera cet écartèlement? Dois-je oublier sagement ou te tendre les bras? Sarah, Sarah, si tu savais comme j'ai froid. Sarah, Sarah, un petit rhum me remontera. Sarah, Sarah, ça vaut rien de se torturer comme ça. Ah Sarah, oh Sarah, un dernier, et j'oublie ton minois.